Voici, en un peu plus d'une heure, la majeure partie de Carmen, nouvelle écrite par Prosper Mérimée et publiée en 1847. Résumé, choix des textes, enregistrement, Jean-Paul Alexis, août 2018.